بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، فالآن أخذنا هذه القواعد الست qui nous permet d'entrer dans le deuxième mabhath. Wa huwa at-tafsil fi mas'alat al-hukm bighayri ma anzala Allah. C'est le détail de la question de celui qui juge par autre que loi d'Allah. À quel moment cela sera considéré comme étant du kufr et à quel moment ça ne sera pas. ويأتي حالات ست من الكفر الأكبر بلا خلاف تليها ثلاث نازع فيها بعض المتأخرين والحق أنها من الكفر الأصغر. Donc parmi ces six situations, neuf situations qu'il a citées, six sont du kufr akbar à l'unanimité. Et les trois restantes sont du asghar, bien que des gens ont voulu les considérer comme étant du akbar, et en réalité sont du asghar. Yaqulu al-halatu al-ula al-istihlal. Première situation, l'istihlal. صورتها أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله أمر جائز غير محرم. C'est-à-dire que la personne a pour croyance qu'il lui est permis de faire cela, de juger par autre que ce qu'Allah fait descendre. On est pris au début, dans le premier mabhaf, qui est un fard ayn. Et ça, c'est valable pour toute chose dans la religion, connue bid-daroura, en halal, ce qui est haram, ou en haram, ce qui est halal, cela mène à m'y croire. فَحُكْمُ ذَلِكْ اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذِي الْحَالَ مُكَفِّرَةَ الْكُفْرَ الْأَكْبَرَ. Donc là, il y a une inamité que celui qui est de la sorte aura m'y cru. يَقُولْ تَحْتْ تَتَعَلَّقْ بِهَذِي الْحَالَ سِتْ مَسَائِلْ. Il en relève de six questions de cette situation. La première, يَكْفُرْ فِي هَذِي الْحَالَ وَلَوْ لَمْ يَحْكُمْ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ مَا دَمَا يَعْتَكِدُ جَوَازِ الْحُكْمْ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ. Ça veut dire que même s'il juge avec ce qu'Allah fait descendre et qu'il a pour croyance qu'il a le droit de faire autre chose, alors il aura mécru. Ça, c'est important. Même s'il fait la shari'a tamamen, mais au fond de lui, la croyance qu'il peut juger pas autre que cela, il aura mécru. Parce que là, il le dit, مَثَلَ الثَّانِيَا الْاِسْتِحْلَالِ أَمْرْ قَلْبِي. C'est une chose qui est liée au cœur. C'est pas attaché aux actes. C'est attaché au cœur. Une croyance que tu as dans le cœur, que ça c'est halal, tu peux rendre cela halal, alors que ça ne l'est pas, ou le contraire. قَالَ ابْنُ تَيْمِيَا الْاِسْتِحْلَالِ اِعْتِقَادْ أَنَّهَا حَلَالْ لَهُ. C'est l'istihlal. C'est la croyance que cette chose-là t'est licite pour toi. Ou le contraire. Troisième question relative à cette situation. La athar al-qara'in fi al-hukm ala sahib al-fi'l bil-istihlal. Qu'il n'y a pas d'indice qui montre que la personne a rendu cela halal. Ses faits et gestes ne prouvent pas cela. Cela, c'est dans le cœur. Wa astadalla bi qissat Usama ibn Zayd lorsqu'il a tué cet homme qui avait dit la ilaha illallah alors qu'il le pourchassait. Il l'a tué quand même. Pourquoi? Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interrogé pourquoi tu fais cela, il a dit la ilaha illallah par peur que je ne le tue. Fa huwa i'tamada ala al-qara'in. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a réprimandé. Avec le dit la ilaha illallah, tu n'as pas à juger. D'accord? Par la suite. قال ابن باز رحمه الله تعالى عمن لا يحكم شرع الله يقول لو ادعى انه لا يستحله فناخذ بظاهر كلامه ولا نحكم بكفره. Il a dit Cheikh Ibn Baz, celui qui dit clairement qu'il ne rend pas cela halal, il a jugé par autre que l'ordre d'Allah, il dit clairement je sais que c'est pas halal, alors lui on ne peut pas le rendre mécréant. Et on accepte ce qu'il dit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a jugé de la sorte, parce qu'il est sorti à Tabouk et que Ka'b ibn Malik et d'autres ne sont pas venus et les munafiqs ne sont pas venus parce qu'il est revenu de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les gens sont venus le voir en jurant pour s'excuser de ne pas être venu. Alors on m'entend bien sûr. Maza fa'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qabila minhum wa wakkara sara'ilahum ila Allah. Il a accepté ce qu'ils ont dit de lui. Pas d'excuse. Et il a dit ce qui les renferme au fond d'eux, c'est Allah qui se chargera d'eux. Fa akhadha bidhahir. Al-mas'ala rabi'a. Quatrième question relative à cette situation. Al-istihlal la yu'raf min al-fi'l wala al-mudawama wala al-israr. C'est important. L'istihlal, que quelqu'un rend une chose halal, ça ne cesse pas. Ce n'est pas du fait que la personne le fait tout le temps ou l'applique, c'est-à-dire qu'elle rend cela halal. Là. Quelqu'un va dire, oui, il fait tout le temps cela. Le fait qu'il fasse tout le temps cela ne veut pas dire qu'il rend cela halal. Misal d'alik, Zakha sahabi alladhi kana yashrab al-khamr. Kana smu Abdullah al-uqiba bi himar. Le sahabi qui buvait l'alcool, qui était apporté de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il a autorisé de le frapper. Et lorsque les gens le frappèrent, Bardo Mukaralu, Max Saradji Abik. Il a dit, on t'a trop ramené, c'est-à-dire, à chaque fois on te ramène, on te frappe, tu recommences. Al-Ma'ana, Hara Sahabi, c'était halal al-Khamr. Là, ça ne veut pas dire que ce Sahabi, il a rendu le Khamr, c'est halal, sinon il aurait été tué. D'accord? Il aurait été tué. Donc le fait qu'une personne fasse un péché, en continu, même ouvertement devant tout le monde, même qu'il s'en vante, ne veut pas dire qu'il faut que c'est halal. C'est pas une preuve. Sans quoi, on va rendre mécréant tout le monde. L'ilna, ma minna min ahadin, yaslam min hada. Personne n'y échappe à cela. Donc l'istihlal, ça ne se connaît pas par le fait que quelqu'un fasse tout le temps la chose et autre. C'est un i'tiqad, une croyance. Al-mas'ala al-khamisa. Cinquième question relative à cette situation. Istadalla ba'd man qala an al-istihlal yu'rafu bil fi'l bima sahha fi ar-rajul alladhi tazawwaja imra'ata abihi fa amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi qatlihi. Et certains parmi les ulama ont dit que l'istihlal peut se savoir par l'acte de la personne parce qu'il l'a commis. Ils ont pris comme preuve un hadith qui est authentique, apporté par Tirmidhi, Ibn Majah et autres, qui est un homme qui s'est marié avec la femme de son père. Donc ils ont dit, et le Nabi Sallam a ordonné de le tuer. Donc ils ont dit, le Nabi Sallam, c'est pas son acte, pour juger qu'il a rendu cela halal. Et ce qui amène à le hukm, c'est l'exécution, là c'est riddatan. L'exécution par apostasie. Et le hadith, il est sahih. Et plusieurs ulama, parmi eux, Sundi, également Tahawi, Shawkani, comme le cite l'auteur, ont tous dit que ce hadith-là, يُحْمَلْ أَنَا هَذَا الرَّجُولِ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ وَعَلَمَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ que cet homme-là fait cela en rendant cela halal. Qui a parmi la coutume des Arabes auparavant, lorsque le père mourait, le fils héritait de sa femme. D'où le verset « وَلَا تَنْكِحُوا مَنَكَهَا أَبَاءُكُمْ » Sont-elles mis ça ? Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées. Donc chez les Arabes, c'est une chose qui était commune, coutumière. Donc cet homme-là est resté sur cette coutume des ancêtres et il l'a appliquée. De là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait exécuter. Imam Ahmed également, il a dit « Nara wa Allah wa alam anna zalika minhu ala l'istihlal » Imam Ahmed, il a dit que l'on voit que ce que cet homme a fait, il a rendu halal. Donc ça, c'est un cas particulier. Ils ont dû avoir des Coranes qui montrent qu'ils voient que c'était halal. Ça n'a pas été précisé, mais les ulama tous disent que ce hadith-là « Yuhmal ala zalika » Pourquoi ? Ça revient à la règle qu'on a appris. هذا الحديث عن قصة من التشابه. Les choses équivoques. comment est-ce qu'on agit dans les choses équivoques, face aux choses équivoques, envers Mohkam, aux choses qui sont claires et évidentes. On revient aux choses claires et évidentes. Donc si cet homme-là est exécuté pour cela, d'accord, c'est qu'il a rendu cela halal. Mais cela n'est pas applicable pour tout ce qu'il a fait. Ce hadith n'est pas un dalil pour dire que toute personne qui fait une chose a rendu halal. Masala Sadisa, sixième question relative à cette situation, il dit que certains ulama ont déjà décrit certains roussas, désobéissants, qu'ils ont rendu leur péché halal en se basant sur leur simple acte. Et pourtant, ces ulama n'ont pas dit que c'était un kafir. Juste, comme il dit, tawassa'u fil ibara. On va dire qu'ils ont employé une expression, ils ont élargi dans l'expression pour dire que c'était halla dhalika, lakin lam yaqsudu bi dhalika takfira. Ils l'ont dit, fulan istahalla dhalik, mais quand ils l'ont dit, leur cause, ce n'est pas de le rendre mécréant, et de dire que vraiment elle a rendu halal. Ils ont voulu dire par là que la personne s'est permis de faire cela, en fait. D'accord. Et pour preuve, ces ulama-là, il a passé l'exemple, qui sont-ils, à quel moment. Ces ulama-là n'ont pas rendu mécréant cette personne-là. Et ça, cette masala-sa a dit ça, elle se répète dans beaucoup de halat qu'on va prendre, à la fin du sang dernier. Que beaucoup d'ulama ont employé le terme de la situation, mais n'ont pas voulu t'accueillir de la personne. Donc, ne pas se laisser forcément convaincre par un kalem qui, à la zahiri, yani, yajalin san yazun annahu hukima bitakfiri ou le zakadarik. Des fois, les ulama ils ont pris des termes qui peuvent laisser penser cela, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est la première situation, l'istihlal. Deuxième situation, al-halathaniya, al-juhud. Al-juhud, le refus, le reniement. Suratuha an yahkum bi ghayri ma anzala Allah jahidan hukm Allah. Qu'il juge par autre que l'ordre d'Allah en refusant l'ordre d'Allah. En refusant l'ordre d'Allah. Et ce juhud, l'auteur ne l'a pas cité, mais peut-être comment? Soit en délaissant la chose, il ne la fait pas du tout. D'accord? Il ne la fait pas. Il dit, je n'ai pas à la faire. Ou alors, il l'a fait, mais il dit, je le fais, mais ce n'est pas obligatoire de le faire. Ouais, je le fais moi, mais dans son cœur, pourquoi ce n'est pas obligatoire pour le faire. Ça sent un peu l'istihlal. Mais c'est le chars, comme il dit Charles Femin, par exemple, lui, il voit que dans le fait de le délaisser la salate, des ulama disent takasulan et ba'dhum yakunu juhudan. Ils disent takasulan, ceux qui délaissent la salat par paresse, c'est pas un mécréant. Mais ils disent s'ils délaissent juhudan, il devient mécréant. Et là, il y a ijma'. Et Cheikh Hamel dit là, cet ancien, il n'a pas besoin. Il n'y a pas besoin de cet ancien-là. Qui délaisse la salat juhudan ou takasulan, c'est le même jugement pour nous, c'est un kafir. Pourquoi? On dit, si jamais il faisait la salat, lakin jahadabi, Ujubiha, ma hukma. Il fait la salat, vraiment, les cinq salats. Dans son cœur, il dit que ce n'est pas obligatoire. C'est quoi son jugement? Yakfur. Donc ils disent qu'il la fasse, qu'il ne la fasse pas. Il dit jahada hukma, ujubiha, kafar. Kafar, même s'il l'a fait. Donc là, c'est pareil. Quelqu'un, il aura beau juger, etc. Allah fait descendre, mais au fond, lui, il a pour croyance que ce n'est pas wajib. Yakfur. Car c'est un amr, irtika a dit, comme on va le prendre, dans les masaïls qui sont relatives. Wadil hala alay al-ijma'. Ya ijma' anna man jahada shay'an min shar'i Allah kafar. Kufran akbar. Celui qui renie, refuse une chose du jugement d'Allah, il aura mécru d'une mécréance majeure. Wa zakara kalaman ibn Baz رحمه الله تعالى قال اتفق اهل السنه على كفر من جحد شيئا من دين الله قال ابن باز وكذا الحكم في حق من جحد شيئا مما اوجبه الله فانه كافر مرتد عن الاسلام باجماع اهل العلم قوم اللجاء ابن باز يقول هذا jusqu'à là rendu obligatoire, la personne voit qu'elle n'est pas obligatoire, et bien sûr, avec les conditions qu'on a prises au début. D'accord ? Il n'a pas un ta'wil, et qu'il a le ilm, et kaza et kaza. D'accord ? Toujours il y a des choses à regarder. Donc il dit, celui qui fait cela est mécréant avec unanimité des gens de science. Après, il dit que de cette hala, il y a 5 questions qui s'en relèvent, qui s'y rattachent. Al-Masala al-Oula, qu'il mécroit, même si il juge avec l'ordre d'Allah. Kadhalik, Al-Masala Thaniya, c'est comme istihlal. Le juhul, c'est un amr kalbi. C'est dans le cœur. Ça se passe. Al-Masala Thalitha, Kadhalik, on ne garde pas les indices pour voir si il voit la chose et en est non obligatoire. C'est comme l'istihlal. C'est la même question. Wa rabi'a, il dit l'auteur que certains ulama wasafu usa, désobéissant, bil juhud. Wa ma dhalika lam yahkumu alayhim bil takfir. Comme l'istihlal. On a dit cette question-là, elle va se répéter. Quand les ulama, ils vont dire, Fulan, jahada, hukm Allah, la salen, une personne désobéissante, a refusé le jugement d'Allah, verbalement, ils vont le dire en termes. Min haythu al-hukm, par rapport au jugement, ils ne vont pas appliquer sur le takfir. C'est juste un tawassuf et l'ibara. Kazalik. Al-hala thalitha, troisième situation. Al-takdhib. Al-takdhib. Qu'il dément la chose. Il dément le jugement d'Allah Azza wa Jalla. Il dit que ce n'est pas vrai. Suratuha an yahkum bi ghayri ma anzala Allah mukadhiban hukm Allah. Qui délaisse le jugement d'Allah pour qu'on dise que c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Donc il juge avec autre que la loi d'Allah. Et ça, le takdhib, en toute chose liée au din, la hukm, kufr. Le takdhib, tu dis que Allah. Ce que Allah a dit, c'est un mensonge. Ce que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, c'est un mensonge. Allah kouf. Comme a dit Allah Ta'ala, « وَمَنْ أَزْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَزْدَقُ مِنَ اللَّهِ قَيْلًا » Qui donc est plus véridique que Allah, la parole. Et bien sûr, parmi les shuruds de la shahada, « Al-Qaboul », on a expliqué, « Wallahi la ilallah ». Celui qui dément n'aura pas accepté. Rachid al-Islam, il dit, فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر. Toute personne qui dément ce qu'ont apporté les messagers, c'est un mécréant. Majmou al fatawa. Mafhoum hada? طيب. Là maintenant, il dit qu'il y a 5 masail relatives à cette situation. Al-oula, la première, cette personne-là mécroit même si il juge avec l'ordre d'Allah. À partir du moment où il traite de mensonge, mais il dit quand même qu'il les fait quand même, d'accord ? Il les croit quand même, même s'il les applique. Al-Masala Thaniya. Voilà, c'est la Thaniya. Al-Thalitha, Al-Takzib, Amr Kalbi. C'est une chose qui lui est au cœur, comme les autres. Donc, ça amène à la Rabia. La asal al-qara'in fil hukm. On regarde pas les indices. Si la personne, pour dire, ouais, il dément le jugement d'Allah, tu peux pas le savoir, c'est dans son cœur. Ne juge pas sur, c'est fait comme ça, dans son cœur. Amr kalbi. Wal-khamisa, comme les autres. Que certains ulama ont décrit les désobéissants comme étant des mukadhibin, qu'ils ont démenti, sans pour autant les avoir rendu mécréants. Ala, kadhalik tawassuf al-ibara. Juste qu'ils sont élargis dans l'expression. Mais ils n'ont pas voulu par cela le takfir.